père. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je m'appelle Simon Liberati et je vais vous raconter l'histoire de Boule de Neige, roi des Alakalouf. Boule de neige naquit en Moselle une nuit de l'hiver 1914. Son père était un soldat africain et sa mère une fille de ferme. Le vrai nom du petit enfant était Félix, qui veut dire heureux en latin. Mais on le surnomma Boule de neige parce qu'il était tout noir de peau, tout petit, et qu'il avait une tache blanche sur la poitrine. Sa mère l'abandonna quelques jours après sa naissance et il fut élevé par une vieille nourrice du village de Tarquimpol. La dame à qui appartenait le château voisin se prit d'amitié pour Boule de neige et voulut qu'il soit bien élevé. Son fils, le marquis Stanislas de Gaïta, était mort bien avant la guerre. On disait qu'il était versé dans la magie. Boule de neige resta petit. Il mesurait à peine 20 cm à 10 ans et pouvait tenir dans la poche d'une robe de chambre. Comme il se plaignait d'être bien seul, on lui donna une poule blanche. Ils se tenaient toujours blottis l'un contre l'autre près de la cheminée de la cuisine. Boule de neige trouvait toutefois que la poule n'était pas très propre. Il décida de lui nettoyer les pattes avec une brosse de crin très dure. Sans le faire exprès, il frotta si fort que les petites écailles qui protégeaient les pattes de la poule tombèrent. La poule ne protesta pas. À peine battait-elle des ailes, mais cela n'effraya pas Boule de neige qui était têtue. Sa poule blanche ne se leva plus, elle n'alla plus picorer dans la cour. Elle restait couchée et Boule de neige s'étonna de la voir aussi paresseuse. La cuisinière s'inquiéta, elle découvrit les pattes écorchées de la poule. On prévint la vieille marquise et Boule de neige fut punie. On l'enferma dans le placard de l'escalier. Étant sorcier, le petit garçon savait de source sûre que le placard était habité par un diable. Il voyait ses yeux rouges qui le regardaient dans le noir. Il força la porte et s'enfuit par une nuit très froide, aussi froide que celle où il était né. Il marcha tristement dans la campagne gelée. Il avait emporté une petite valise en carton qui contenait son livre de magie, une culotte propre et une pièce d'or que la marquise lui avait donnée. La lune brillait derrière les étangs. Il entendit une musique lointaine, de la guitare. Il y avait un feu et une gitane qui dansait en remuant ses cheveux devant les flammes. Avisant une paire de bottes cirées avec des boucles d'argent, Boule de neige s'y faufila pour dormir bien au chaud. Au matin, une grosse voix le réveilla. « Qu'est-ce que tu fabriques dans mes belles bottes ?» Le géant Goliath, à qui appartenaient les bottes et la voix, l'apporta au directeur du cirque. « Ma foi, c'est un nain, il est tout noir, il va remplacer notre pauvre nain Arnaud, qui est devenu fou. » Le géant s'empara de la valise, de la culotte et de la pièce d'or. Quant au livre de magie, il le jeta par terre car il ne savait pas lire. À l'époque, dans les cirques, il y avait des monstres qui servaient d'attraction. On mit Boule de neige dans une cage avec un petit trône et un pagne fabriqué avec des feuilles de bananier. Un écriteau indiquait « Boule de neige, le pygmée cannibale ». Le patron du cirque criait « Attention, attention, mesdames et messieurs, ne l'approchez surtout pas. La semaine dernière, il a mangé une dame tout entière avec son vélo ». Bien sûr, il exagérait un peu. Boule de neige s'ennuyait dans sa cage et il avait très froid. Il obtint qu'on lui rendît son livre de magie, mais les feux de Saint-Elme et autres merveilles qu'il produisait ne suffisaient pas à le réchauffer. Heureusement, Goliath avait pris l'habitude de le fourrer dans sa poche pour l'aider à tricher aux cartes. Le cirque traversa la France jusqu'à Marseille, où Boule de neige profita de l'ivresse du géant pour s'échapper. Un autre nain lui avait parlé des cirques américains où la vie était plus douce et les numéros sensationnels. Boule de Neige se faufila dans une caisse de marchandises qui embarquait sur un cargo pour New York. Lorsqu'il vit la Statue de la Liberté à l'entrée du port de New York, il fut étonné de la trouver si petite. Un bon présage. Il prit le métro jusqu'à Coney Island et fut engagé dans une baraque foraine pour 10 dollars par semaine. Il devait partager la roulotte d'un artiste qu'il n'aimait pas. Kif Kif, l'homme mollusque, et sa femme Drella, sirène du port de Copenhague. La queue de la sirène était fabriquée avec de vraies peaux de poisson couvertes d'écailles qui rappelèrent à Boule de Neige les pieds de sa poule blanche. Aussi tomba-t-il amoureux de la sirène. Sentiment partagé, car quoique petit, il était très bel homme. Kif Kif n'avait ni bras ni jambes, ce qui ne l'empêchait pas de fumer le cigare. Boule de Neige lui envoya un sort et Kif Kif disparut dans un nuage de fumée. Le directeur se contenta de peindre un nouvel écriteau pour Drella, reine des sirènes, et son Bernard l'ermite. On avait récupéré la coquille de l'homme mollusque et collé dedans ce pauvre Boule de Neige affublé d'une vieille pince de homard. La foule se pressait pour voir ce couple étrange. Mais une fois les lumières éteintes, dans la petite baraque placée sous la grande roue de Coney Island, la sirène Drella et Boule de Neige s'aimaient d'amour tendre. Drella convainquit Boule de Neige de signer un engagement avec le plus grand cirque américain, les Ringling Brothers. Le plus petit magicien du monde, tel était son nouveau titre. Boule de Neige n'était plus montré dans une cage comme un phénomène, mais il se produisait dans de véritables numéros. Il portait un beau costume rouge avec des brandebourgs et une toque en fourrure blanche. Il s'amusait bien, mettant à distance le feu aux cheveux des dames dans l'assistance, échangeant les portefeuilles des messieurs, pinçant les enfants et faisant pleurer les bonnes. Car il fallait bien se rendre à l'évidence, Boule de Neige était taquin. À San Francisco, Drella, fatigué de ses farces, le quitta pour un acrobate. Très triste, Boule de Neige décida de s'engager sur un baleinier pour faire le tour du monde. Comme il ne pouvait pas manier le harpon, on le rangea dans la cale pour chasser les rats. Il les charmait avec une petite flûte. Au Cap Horn, les Indiens à la Calouf, qui étaient des naufrageurs, allumèrent des feux qui trompèrent le pilote. Le bateau coula et Boule de Neige fut découvert sur la grève par les naufrageurs. Les Alakalouf vivaient nus dans le froid glacial, le corps couvert de tatouages. Lorsqu'ils virent la peau noire du petit Boule de Neige, émerveillés, ils commencèrent à lui gratter les mollets avec une coquille de moule pour comprendre quelle était cette encre magique. Boule de Neige cria et sut alors à quel point sa poule blanche avait souffert. Pour la première fois, il se mit à la place d'un autre. Le grand dieu des Alakalouf, touché par ses cris, détacha ses liens et Boule de Neige devint le grand chaman, roi magicien de la Terre de Feu. Voilà, l'histoire est finie et maintenant il faut aller au lit.